ma cellule. Dedans on est quatre, y'en a qui prennent la pilule. Mais moi je reste black, j'tiens le coup. Pas au grillage et malgré l'âge que j'ai, difficile de t'imaginer les grosses boules que j'ai. J'attends l'auxiliaire et la gamelle. J'espère t'enculer, va me ramener mon shit en lamelle. J'suis tombé pour une connerie, j'avais besoin d'oseille, de respect, pas de plan, de tasque. Ça tourne autour du cannabis, le premier du mois c'est Canal+. Ça se branle sur les fous de M6, puis on en parle en promenade. Pendant que les arrivants en pètent un cap, gonflés à bloc comme des grenades. Les dealers font ménage avec les dealers, les braqueurs avec les braqueurs et les killers avec les killers. Et quant aux pointeurs, la route retrouvera et te mettra paro. Le compteur bloqué sur les mois qui me reste à faire. Je repense à mon affaire et à l'oseille que j'aurais pu faire. Dehors j'entends les pas du maton, le bruit des clés dans la serrure. Ça va chier, dès que je sors, tous ces gaffes à qui je souhaite. On veut des sous, ta justice, je l'encule, nique sa mère le procureur. Ces fils de pute m'ont jugé sur ma couleur. Les mecs, ma génération, wesh, que sont-ils devenus? Toute ma ville en calais, je vois plus personne à l'avenue. Wesh, boulette à Titi, qui m'écrit du tarmi. Je suis sous contrôle judiciaire, je peux pas faire le permis. Pour les détenus, on vient présenter. Vicentia Bois d'Artine, t'as la santé. Mon Jao Daga, gardez le moral et la santé. Pour les meufs à la maf, celle qui a accouché là-bas. Nique les matons, faudrait qu'on fasse un concert là-bas. Les restes criminels, le son des assiettes, la correctionnelle. Je souhaite des grâces, vise de forme, la conditionnelle. Liberta ou Daron qui éprouve beaucoup de peine. L'amour, l'argent aveugle, les potes enchaînent les longues peines. Rêve d'une vue plus saine, on cavale à la trentaine. Hommage à ceux qui ont décédé. Au rap, si continue nous céder, fais le péter par la fenêtre, tu descends pas en promenade. C'est Foulex, c'est la BS, c'est pas la même limonade. Seul décor, une porte scellée, juste la télé. Et ce léger l'air de peiner, pour deux enfermes traîner. Dans la prof, c'est de traîner, quitte à traîner. Je préfère traîner, mes pieds dans les rues. Comme une tard, un mec de Marseille m'a reconnu. Je le reconnais, on se connaît. Sauf que cellulaire, c'est cané. Je reste sans poids, comme ligoté sur une voie. À ce qu'on dit, c'est toujours plus dur la première fois. Ça parle de grâce et d'hormise de peine. J'attends la conditionnelle, mais d'après le juge, c'est pas la peine. Mais ni de sa mère, je fais ma peine sans faire appel. Ma cellule, je passe mes appels. Et bonhomme, répondent à l'appel ici. J'ai ta matricule et mon pécule pour tantiner. Retour de promenade, j'ai toutes les matons, ramène le tourisme. Je suis inscrit au sport pour passer le temps et garder la forme. Mais mon taule, on garde le moral, faut pas que je m'endorme. Mais je suis tellement ouf qu'ils veulent que je passe devant le psychiatre. Sans pointe à l'armée, déjà j'ai des réformes et pécates. J'arrête pas d'écrire pour ces PD, m'envoie en CD. J'arrive discrètement, c'est comme quand on te viole dans les douches. C'est la deuxième fois qu'on t'encule, mais cette fois c'est pas la touche. Ça s'envoie au parquet dans le building. Ça se fait des chauffes en attendant les cantines. Ça chauffe, en promenade ça fait les 100 pas. Des mecs qui sentent pas, des cassos, on voit disparition. C'est chaud, tout le monde sort mais sauf toi. Tombé pour un poulet, les joues trahis par tes palus. Donc au cellulaire, un toxo, un crypto, un kosovar ou un russe. Dans les murs se trouvent toutes sortes de drogues. Pourtant au parloir, on t'examine la rondelle. Avec du shit fait toutes sortes de drogues. On manque d'hygiène et yo-yo la rengaine. Certains héros jusqu'à si c'est le prof pour la liberté. Liberta, liberta, liberta, liberta, liberta, liberta.